Chapitre 11e, la querelle. C'était toujours un triste spectacle que de voir la discorde régner entre deux frères. Tel était le cas entre Anthony et Herbert. Quand le mois de mai arriva, les choses en étaient à un tel point que M. Dare se vit obligé de s'interposer. Ils se rencontraient au repas et non seulement s'abstenaient de se parler, mais saisissaient toutes les occasions de se témoigner réciproquement leur mécontentement. Aucun éclat n'avait encore eu lieu devant la famille, mais le feu ne faisait que couver sous la cendre. M. Dare avait tout d'abord blâmé son fils aîné d'avoir mis son frère dans l'embarras, de l'avoir trompé, mais maintenant c'était à Herbert qu'il s'en prenait. « C'est toi qui continues la dispute, Herbert, » disait-il. « Si tu oublies cette affaire, Anthony le ferait aussi. »« Oh, naturellement, » répliquait Herbert. « Il ne demanderait pas mieux. » C'était en vain que M. Dare les engagea à se réconcilier. Anthony était sombre et renfermé. Il aurait en effet voulu mettre l'affaire en oubli, mais il n'aurait pas fait le plus léger effort pour le demander. Herbert disait ouvertement qu'il ne voulait pas lui toucher la main. Si Anthony désirait un raccommodement, il n'avait qu'à payer. C'était là le difficile. Ses billets étaient une épine perpétuelle pour Herbert qui, d'une heure à l'autre, pouvait se voir arrêté. Pour calmer ses fils, M. Dare se serait volontiers chargé de payer leurs dettes, mais il n'avait positivement pas le moyen de le faire. Anthony lui avait occasionné des dépenses considérables. Il promit à Herbert de lui venir plus tard en aide, mais cette assurance ne soulagea pas Herbert et ne rétablit pas la paix entre les deux frères. Il faisait chaud, le soleil éclairait les fenêtres du clos de Poméranie et faisait penser au mois de juillet plutôt qu'à celui de mai. M. et Mme Dare et Adélaïde en grande toilette se disposaient à monter en voiture. Ils allaient dîner à 7 heures chez un ami à quelques milles de Hurstonleigh. Il était 6 heures. Mina s'était penchée sur une balustrade pour voir partir ses parents et sa sœur. « Tu vas tomber, enfant !» lui dit M. Dare. Mina se mit à rire, en répondant qu'elle ne courait pas de danger. Elle se demandait ce qu'aurait dit son papa s'il l'avait vu gymnastiquer sur les balustrades ou descendre à rebours l'escalier. Exercice qu'elle avait grand soin de ne pas faire non plus devant Mademoiselle. Mademoiselle l'avait aperçue une fois et lui avait donné toute une fable de français à prendre en punition. « Aurons-nous des fraises à dîner, maman ?» demanda Mina. « Vous aurez ce que j'ai jugé convenable de commander, » répondit sèchement Madame Dare. Elle avait chaud et était de mauvaise humeur. « Je pense que vous pourriez bien attendre que les fraises de notre jardin fussent mûres sans en acheter dans les magasins, » interrompit M. Dare. Mina changea de sujet. « Ta robe est retroussée, Adélaïde. » Adélaïde se retourna languissamment, une femme de chambre s'avança et baissa le vêtement réfractaire. C'était une magnifique robe de soie. En ce moment, Anthony arriva. Il venait dîner et paraissait de fort mauvaise humeur. « Comme vous arriverez tard, » s'écria-t-il. « Pas du tout, nous y sommes en une heure. » Madame Dare et Adélaïde montèrent en voiture. M. Dare allait les suivre, mais une pensée soudaine le frappa. Il se retourna et s'adressa à Anthony. « Vous, jeunes gens, prenez garde de ne pas vous quereller. Entends-tu, Anthony ?»« Oui, j'entends, » répondit Anthony, sans daigner se retourner et montant toujours l'escalier. Il méprisait probablement cette recommandation, car il avait l'habitude de rejeter tous les conseils. Cependant, il eût été bon qu'il l'eût écouté. Il était heureux que cette dernière parole de son père fût une parole d'affection. Le dîner était servi. Anthony, en l'absence de son père, prit la place d'honneur. Mina déclara que sa sœur n'était pas plus qu'elle la maîtresse, et l'institutrice pria Mina de ne pas parler si haut. Herbert n'était pas là. Mina demanda où il était. Anthony répondit qu'il était flâné. « Flâné ?» répéta Mina. « Oui, flâné !» répéta aigrement Anthony. « Il a quitté le bureau à 3 heures et n'y est pas revenu. Et mon père qui a quitté à 4 heures » ajouta-t-il, comme s'il considérait ce départ comme une injure. « Où est allé Herbert ?» demanda Rosa. « Je n'en sais rien. Je sais seulement que j'ai eu 2 fois plus d'ouvrages à faire. » Anthony n'était pas trop laborieux, et cette augmentation de travail, due à l'absence de Herbert, accroissait son irritation. Pourquoi M. Herbert s'en va-t-il et vous laisse-t-il son ouvrage à faire ? Demanda l'institutrice en levant les yeux sur Anthony. J'aurai soin de lui demander pourquoi, répondit-il. Ce n'est pas bien de sa part, reprit Mademoiselle. Je n'aurais pas fait son travail pour lui, M. Anthony. Ni moi non plus, si je n'y avais pas été obligé, dit Anthony, sans se relâcher de sa mauvaise humeur. C'était un travail qu'il fallait achever avant l'heure du courrier, et un nom clair est absent aujourd'hui. Le dîner touchait à sa fin. Joseph hésitait à ôter la nappe. « Faut-il la laisser pour M. Herbert ?» demanda-t-il. « Non, » dit impérieusement Anthony. S'il ne vient pas pour le dîner ne l'attendra pas. La cuisinière tient les plats au chaud, monsieur. Alors dites-lui de ne pas s'en donner la peine. La nappe fut enlevée et le dessert apporté. Au grand désappointement de Mina, il n'y avait pas de fraises. Cette découverte l'a mis de si mauvaise humeur qu'elle se leva et quitta la chambre en déclarant qu'elle ne touchera rien d'autre quand mademoiselle la rappela. Cyril et George, qui n'étaient pas sous le contrôle de mademoiselle, avalèrent chacun un verre de vin et se hâtèrent d'aller à leur rendez-vous, une partie de cricket organisée par quelques anciens élèves du collège. Les autres restèrent à table. Mina, par force, Rosa, pour manger un nombre illimité d'oranges, et mademoiselle Barcini, parce que c'était l'usage. Mais bientôt elle se leva et se retira avec ses élèves. Anthony ne se montrait pas convive, très sociable. Il n'avait pas touché au dessert, mais en revanche il buvait largement. Comme elle sortait, Herbert arriva. « Voyons, prenons garde !» dit-il à Mina, qui se précipitait tête baissée contre lui. « Oh Herbert, ne peux-tu pas voir ?» cria-t-elle en se frottant la tête. « Pourquoi viens-tu si tard? Le dîner est enlevé. Alors on le rapportera. » « Comme il est chaud, mademoiselle. » Cette dernière phrase s'adressait à l'institutrice. Rosa éclata de rire et mademoiselle sourit. « Vous apprenez le français aussi bien que l'italien, monsieur Herbert. Et c'est ce qu'on appelle aller à reculons. » Herbert se mit à rire. Il ne savait pas quelle faute il avait faite et ne s'en inquiétait nullement. Il sonna. « Dis donc, Herbert, » cria Mina en passant la tête à la porte. « Papa dit que vous ne deviez pas vous quereller. » Il aurait valu peut-être qu'elle ne l'eût pas rappelé. Les deux frères restèrent seuls. Anthony sombre et silencieux. Il avait achevé une bouteille de Bordeaux et commençait le sherry. Herbert passa près de lui d'un air de suprême indifférence et se mit à la fenêtre en sifflant. La salle à manger, comme nous l'avons dit, donnait sur la campagne. Elle était longue et étroite. La fenêtre haute et large s'ouvrait par le milieu. La porte était à une extrémité de la pièce, la fenêtre à l'autre bout. Anthony était d'humeur trop querelleuse ce soir-là pour rester longtemps silencieux. Il commença les hostilités en demandant à Herbert ce que signifiait son absence de bureau et où il avait été. Sa voix, ses paroles d'autorité, n'étaient pas calculées de façon à lui mériter une réponse polie. Herbert lui répondit sur le même ton. Anthony n'était pas son maître. Quand il le serait, peut-être lui répondrait-il. Des paroles vives s'échangèrent. Anthony resta à table, Herbert moitié dans la chambre, moitié hors de la fenêtre appuyé contre l'embrasure. Quand Joseph rentra pour mettre le couvert, tous les deux se taisaient. Ce n'était qu'une halte dans l'orage. Joseph rapprocha le dessert de la place d'Anthony et étala la nappe à l'autre bout de la table. Herbert se tourna. « Quel temps vous restez, Joseph ? » cria-t-il. « On croirait que vous refaites le dîner. »« La cuisinière l'a mis à réchauffer, monsieur. À réchauffer, » répéta Herbert. Pourquoi ne l'a-t-elle pas tenue au chaud? Elle savait bien que je rentrerais pour dîner. Elle le tenait au chaud, monsieur, mais M. Anthony le lui a défendu. Le domestique n'avait aucune mauvaise intention en faisant cette réponse. Il voulait seulement mettre à l'abri de tout blâme la cuisinière et lui, car les jeunes d'air, lorsqu'ils étaient mécontents des serviteurs, ne leur épargnaient pas les reproches. Herbert se tourna vers Anthony. Pourquoi te mêles-tu de ce qu'il me regarde? Je me mêle de mes affaires, répondit insolemment Anthony. À ce moment, Joseph quitta la chambre. Il avait fini de mettre le couvert et n'avait nulle raison de rester. Peut-être, s'ils s'étaient trouvés là, les deux frères n'auraient-ils pas osé en venir à des extrémités. Peu après, des sons, des éclats de voix résonnèrent dans la maison. Ils n'atteignaient pas la cuisine, qui était dans un autre corps de logis, mais les jeunes filles les entendirent et sortirent en courant du salon. L'institutrice était à la salle d'études, le bruit arrivant jusqu'à elle. Elle sortit aussi et vit ses deux élèves penchés sur la balustrade et écoutant. En tout autre moment, mademoiselle les aurait grondés, mais cette fois elle se pencha et écouta comme elle. « Que peut-il y avoir ? » dit-elle tout bas. « Et papa qui leur dit de ne pas se quereller ?» répondit Mina. C'était bien une querelle terrible, il n'y avait pas à en douter. Des paroles de rage, des récriminations, des injures. La gouvernante pâlit, Mina fondit en larmes. « Quelqu'un devrait aller dans la chambre, » fit Rosa. « Vas-y, Mina. Dis-leur de rester tranquille. J'ai peur, » sanglota Mina. « Moi aussi. » Un bruit épouvantable se fit entendre, la chute d'un corps lourd. En était-il venu au coup? Mina se mit à crier. Au même instant, Joseph arriva, portant sur un plateau le dîner de Herbert. Sa présence donna du courage à Rosa et à Mina, qui entrèrent suivis de l'institutrice. Harbert avait été renversé par Anthony. Il se relevait quand Joseph ouvrit la porte. Pâle de rage, il s'empara d'un couteau et s'élança sur Anthony. Mais Joseph fut plus prompt que lui. Il lança le plateau sur la table, saisit Herbert et le força à rabaisser le couteau. « Pour l'amour du ciel, monsieur, calmez-vous » « Se calmer ? Non. Ceux qui se laissaient aller à de pareils rages ne se calment pas. » Joseph le tenait toujours et la salle à manger retentissait de cris et de sanglots. Rosa et Mina s'attachaient à leurs frères, les tiraient par leurs habits, suppliant, implorant. Les serviteurs venaient en courant et l'institutrice demandait en français aux deux frères s'ils n'avaient pas honte de leur conduite. Peut-être était-il honteux en effet. En tout cas, la querelle était terminée pour le moment. Herbert lança le couteau sur la table et tourna vers Anthony sa figure blanche de colère. « Prenez garde à vous » lui cria-t-il. « Je jure que je vous le ferai payer !» Rosa et Mina entraînèrent Anthony hors de la chambre. Il avait bu plus que de raison et le vin n'améliorait pas son caractère. Mademoiselle Barsini marcha à côté de lui en lui parlant avec volubilité en français. Il n'aurait pu dire s'il sympathisait ou grondait. N'ayant jamais compris le français, même lorsqu'on lui parlait lentement, il ne pouvait, dans son excitation actuelle, en saisir un seul mot. En entrant au salon, il se jeta sur le sofa, comptant calmer son irritation en faisant une sieste. Herbert, lui, resta dans la salle à manger. Joseph et la cuisinière ramassaient les débris du dîner. Il mangea tranquillement. Son caractère n'avait rien de morose, et l'affaire une fois passée, il se remettait rapidement. Son dîner terminé, il alla au salon. Joseph y était rentré et réveilla Anthony. « Un des garçons de l'hôtel de l'Étoile est ici, monsieur, » dit-il. « Lord Hawksley l'a chargé de vous dire que ces messieurs vous attendent. »« Dites-lui que je ne peux pas y aller, » répliqua Anthony, dont la langue s'embrouillait. « Je ne sors pas ce soir. »« Ici, Joseph, » ajouta-t-il, car le domestique sortait avec le message. « Monsieur, emportez-moi ça et rapportez-moi mes pantoufles. » Ça, c'était ses bottes qu'il ôta sans cérémonie et lança à Joseph. Le domestique les ramassa et les emportait. « Ici, comme vous êtes pressé, » recommença Anthony, « portez de la lumière à ma chambre, du brandy et de l'eau. J'y passerai comme il faut ma soirée. Cette chambre est insupportable avec sa société actuelle. » Ce dernier compliment s'adressa à Herbert qui ne répliqua rien. D'ailleurs, Anthony ne leur laissa pas le temps. Avant que les mots eussent quitté ses lèvres, il était sorti de la chambre. Herbert se mit à siffler. La querelle n'était pas apaisée et Rosa souhaita à haute voix que son papa fût rentré. Joseph monta Anthony ce qu'il avait demandé et apporta ensuite le thé au salon. Herbert dit qu'il prendrait aussi le thé, chose qui ne lui était pas habituelle, tout comme il était très rare qu'Anthony restât à la maison. Leur sœur était persuadée qu'ils allaient recommencer les hostilités et Rosa souhaita encore plus ardemment le retour de son père. Il faisait presque nuit. Herbert se leva pour sortir. « Où allez-vous ? » lui demanda brusquement l'institutrice. « Cela me regarde, » répliqua-t-il d'un ton fort peu conciliant. Peut-être croyait-il répondre à l'une de ses sœurs. « Il va à la chambre d'Anthony, » cria Rosa toute pâle en l'entendant monter l'escalier. « Oh, mademoiselle, que faut-il faire ? Je vais appeler Joseph. »« Doucement, restez tranquille, je vais y aller. » Elle sortit sans bruit et montait, mais Herbert redescendait déjà. Elle n'eut que le temps de se glisser dans la salle d'études, d'où elle put le discerner. Il avait été chercher son manteau. « Son manteau, par une nuit pareille, » se dit mademoiselle, « sans doute qu'il veut se déguiser. » Elle écouta. Joseph montait porter quelque chose à Anthony. Herbert l'arrêta et lui dit à voix basse. « Ne faites plus ce soir l'étourderie de laisser fermer la fenêtre de la salle à manger, Joseph. Je ne comprends pas comment vous avez été assez nigaud pour oublier hier de la laisser ouverte. Monsieur, « je vous assure que je l'avais laissée ouverte, » répondait Joseph. « C'est peut-être M. Dare qui l'a fermée. »« Eh bien, que cela ne se répète plus. Je rentrerai entre 10 et 11 heures, mais je puis être en retard, et je ne tiens pas à vous faire lever. » Herbert descendit rapidement et sortit par la fenêtre de la salle à manger, voie par laquelle il comptait sans doute rentrer. L'institutrice retourna vers ses deux élèves. « À la bonne heure, » leur dit-elle. « M. Herbert est sorti et je l'ai entendu dire à Joseph qu'il n'y serait pas de la soirée. »« Alors nous sommes sauvés !» s'écria Mina. Il se mit à danser de joie. « Mademoiselle, comme vous êtes pâle !» Mademoiselle appuyait sa joue sur sa main. Elle était effectivement très pâle. « Il est bien de quoi ? » répondit-elle. « S'il arrivait souvent de pareilles scènes dans la maison, je ne resterais pas pour le double de mes appointements. Cela m'a donné la migraine et je crois que j'irai me coucher. Vous n'aurez pas peur de rester seule, mademoiselle ? Il n'y a plus de quoi avoir peur, répondit vivement Rosa, qui aimait beaucoup mieux se passer de la société de son institutrice. Ne veillez pas pour nous, mademoiselle. Alors j'irai tout de suite me coucher, dit mademoiselle. Elle leur souhaita une bonne nuit et se retira dans sa chambre.